Aguina, pour parler côté moi. Depuis matin levé, Aguina, pour prendre les cheveux moi. Moi, tu aurais été tranquille, ma chère. Mal le va arriver où? Pour déjà, ouais, que passe tout ça. Juste pas d'emmerder, moi. Allez, vous allez. Ne sa pas gagner la paix, moi. Aguina, pour pas gagner conscience. Allez, allez. Le sang va gagner la paix, ouais. Allez, allez. Depuis matin levé, Aguina, moi péché à couler, ouais. Moi dis, pour pas faire ça. Aguina, pour pas faire côté, ouais. Depuis matin levé, Aguina, moi prends les cheveux, ouais. Moi dis, on était tranquille, ma chère. Mal le va arriver, où? Déjà, ouais, comme passe ça. Suspend la merde, ouais. Laisse ça, va gagner la paix, ouais. Allez, allez. Aguina, pour pas gagner conscience. Allez, allez. Laisse ça, va gagner la paix, ouais. Allez, allez. Aïnama. Come on.